C'est pas facile quand la semaine commence. C'est plus facile quand la semaine est terminée, mais on est tellement mort qu'on peut même pas en profiter. On est là traînant notre vie, notre douleur, notre ego, surtout l'ego, hein. Et c'est lourd, c'est même pas vaporeux, hein. C'est crémeux, puis ça devient presque une matière. Mais une matière lourde à tirer, à nous. Elle veut pas suivre, là, hein? Elle se prolonge un peu comme lorsque vous prenez un pinceau et que vous placez de la peinture dessus et que vous glissez ça sur une toile. Le début est tout à fait intense et tout à fait présent et tranquillement, il se dissout, il se retire, il devient presque anonyme et après, c'est invisible. On sent un peu comme ça. Dans une semaine, hein, on passe toute cette étape-là, soit à l'envers, à l'endroit, les deux en même temps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, moi? Je suis allé voir de la boxe il n'y a pas si longtemps. Boxe! Oui, tu l'as! Je ne le referai pas, celui-là. Mais, mais j'étais à côté d'un monsieur. Ça mérite, là, on baisse un peu le son parce que je parle fort. Ça mérite le fait de vous relater un peu cette soirée de boxe. Ça s'est passé, bon là, vous allez dire, ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Mais non, j'ai jamais été dans la nouveauté. Ça s'est passé, Mme Thibodeau, le samedi 26 mai. Je prends le temps de vous le raconter là, parce que ça aurait pu passer comme du beurre dans la poêle, mais dans mon cas, j'ai dit non, faut raconter ça au public. Donc, ça mijote dans sa tête, là. Ça n'a pas l'air, là, mais ça mijote. Et je me place parce que ça fait la deuxième fois que je vais voir des matchs de boxe professionnel. Pour les gens qui me connaissent, là, vous vous dites « Hey, c'est tellement loin de toi, mon chéri! » Ben oui, je le sais. Mais quand même, j'aime l'ambiance, moi. Ce qui me plaît, là, c'est le côté sociologique. Je l'ai déjà divulgué il y a quelques émissions. C'est le côté sociologique, le côté un peu comme un savant fou, un chercheur, même pas imaginaire, mais un chercheur. Quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans cet environnement-là, qu'est-ce qui peut être plaisant dans la boxe? Est-ce que c'est la représentation, une sorte de métamorphose? Non, métaphore. Une genre de métaphore qui me fait penser un peu à la vie. Le ring, c'est l'existence. Toi, tu es dans le ring et devant toi, il y a la vie et tu dois combattre. Fait que là, tu fais attention pour ne pas manger trop de coups. Mais t'en prends des coups, puis t'en prends un coup aussi, hein, Gaétane? Solari, comme c'est, hey, demain, ça va travailler. Oublie-le pas. Fais comme moi, écris-toi des agendas. Moi, je suis dans l'agenda, moi. Depuis le moment où j'ai oublié d'assister le mardi. On était calme ce mardi-là. Faut que je vous raconte ça, puis même ça mérite une chanson. Mais pas immédiatement. Le mardi 22 mai, j'avais un billet. Je vais revenir à la boxe, ne vous en pas. J'avais un billet. Premier rang, en avant, au Grand Théâtre de Québec, pour entendre un homme qui chante une dame qu'il a aimée, Barbara, et c'était Gérard Depardieu. Je n'y étais pas. Je croyais que c'était à la fin de l'année, puisque j'ai tellement de... Ben pas tellement, mais j'ai des spectacles. Et des fois, j'oublie et je crois que c'est cette journée-là ou c'est dans ce coin-là et je me rends compte que c'est pas ça puis que j'ai raté ce rendez-vous avec lui. Et j'en ai pas remis, Gérard Depardieu, là. Oh non, Madame Thibodeau, riez pas. Je suis sûr qu'il prend une petite lapée. Il lape actuellement son bon vin. Je sais pas si est-ce que ça s'appelle le vin de Pardieu, ce qui nous produit, lui? Ce grand monsieur. J'ai manqué ça. C'est épouvantable. J'en reviens pas encore. J'ai la gorlotte qui tremblote. J'ai les yeux qui rougeotent. Puis j'ai l'esprit qui s'émiette. Hein, ça rime pas! Mais là, depuis ce temps-là, j'ai dit mon rénal. Je me parle souvent, là, je me frappe intellectuellement parlant, parce que ça paraît pas. Je me suis frappé en plein visage. Tu sais, non, même pas en plein visage. Sous le menton, un uppercut, là, un uppercut que j'avais pas vu venir. Et je me suis dit rénal! Fais-toi des horaires, des agendas. Tu deviens un gars. Tu deviens un gars de un. Ah ouais, j'étais quoi avant? Un garçon, là, t'es rendu un gars. Bon. Tu es un gars public. T'as des rendez-vous partout, là, tu sais. Pamela Anderson, t'as oublié son rendez-vous. Sophie Marceau. Mais jamais Charlotte Gainsbourg. Quoique jamais Charlotte Gainsbourg, j'ai manqué Gérard Depardieu. Ma valseuse préférée. Dans le film d'Oublié, là. Puis l'autre film d'Oublié. Avec, comment il s'appelle, Gérard Blanc? Pas Gérard Blanc. Eh, monsieur de monsieur, pas Gérard Blanc. Des années 80. En tout cas, Blanc. Il faisait des films d'humour, là. Ouais. Ouais. Connaissez-vous le... Oui? Attendez, on va appeler son impresario. OK, nous avons en ligne, nous avons la chance, grâce à nos recherchistes qui cherchent comme aussi bien que des terriers, des numéros de téléphone, et nous avons madame, mademoiselle, monsieur, en ligne, l'impresario. Non, non, pas n'importe qui, là. L'impresario de Gérard Depardieu, qui va tout nous dire dans sa vie. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. J'espère que nous vous dérangeons pas. Oui, on vous dérange légèrement? OK, vous étiez couché? Bon, on s'excuse infiniment. Est-ce qu'on peut monter le son parce que madame... Madame ou monsieur, madame? Oh, êtes-vous la concubine de monsieur Depardieu? Oh, monsieur Depardieu est-il à côté de vous? C'est pas vrai! Puis-je lui parler? Monsieur, madame, excuse-moi, madame, puis-je lui parler? Il est à côté de vous! Vous allez me passer Gérard Depardieu! Attention, hé, là, là, errance canadienne, là. Ouh, on a déjà discuté avec Dieu, avec Jésus, avec le ciel, la mort, et maintenant, Gérard Depardieu. Alors, on attend. Madame, vous êtes encore là? OK, vous tentez de réveiller votre amoureux. OK. Est-ce que c'est compliqué normalement? Oui. Il est bouchonné. Ah oui, mais selon moi, là, son vin est quand même assez exceptionnel. Oui. Pouvez-vous ouvrir lui la bouche légèrement puis enfoncer lui la bouteille de son merveilleux vin? D'accord, on attend. Ça va bien, vous autres? Non, on attend. J'espère qu'il n'étouffera pas et ne mourra pas à cause de moi. Là. C'est des idées... Hey, c'est vrai. Madame! J'espère que c'était une blague, là. Vous avez pas mis une bouteille de vin dans sa bouche et vous n'avez pas regardé couler cet élixir exceptionnel? Est-il étouffé? Il ne mourra pas? J'espère que... Non, il ne sera pas... Vous avez rien fait pour ça, là? Oui, que vous avez rien fait pour ça? OK. Pfiouf. Heureusement que j'ai l'interprète derrière moi, là. Qui s'appelle Josaphaz, la trépasse. Elle connaît ça, elle est trépassée. Alors, je pense qu'elle est un peu dans à côté de ses baskets. Madame? Bon, on vous remercie. Je sais que Gérard dort à côté de vous. On l'entend pas ronfler. Pouvons-nous entendre ronfler Gérard Depardieu? D'accord, nous allons entendre. C'est le début d'un temps nouveau. Non. Bon, attendez. Là. Oh, madame. OK. Rapprochez le micro. Rapproche le micro. Oh! C'est Gérard Depardieu qui... Oh, hey, rapproche le micro. Madame, mademoiselle, nous sommes très fiers. À Errance Rénaldienne, CKRL vous présente Gérard Depardieu qui dort parce qu'on ne veut pas le réveiller à part une bombe atomique, comme disait Jean Leloup. Mais rapproche le micro. Okay. Voilà, voici. C'était le ronflement de Gérard Depardieu. Ça mérite une chanson. Je l'ai écrite pour un homme qui ne revenait pas. Il est revenu, mais trop tard. Et comme je n'ai pas la vertu des femmes de marin, elle l'a dit, elle l'a dit. Avec Göttingen, chevaux d'écume ou soleil noir, j'ai fait de la chanson engagée, engagée d'amour. Mais je ne suis jamais descendu dans la rue avec une chanson, jamais. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. On fête que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme à Göttingen, à Göttingen. La la la la la la la la la la la la la la la. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Ce qui compte, ce qui compte, ce qui compte pour préserver cet amour-là, c'est d'être rare et de reprendre son souffle. Je crois que si j'étais plus présente, je risquerais de le perdre encore plus vite. C'est normal qu'on ait peur de perdre un amour, mais c'est normal aussi qu'on s'absente. pour ne pas l'étouffer. Il est tout près de moi. Nous faisions route ensemble il y a encore très peu de temps. Je ne ressens ni manque, ni chagrin. C'est comme ces belles grandes fatigues après l'amour, comme une grande liberté d'avoir choisi de m'absenter de la scène. Pour tant d'amour partagé depuis tant d'années, depuis 40 ans, pour avoir accepté mes absences, avoir toujours été présent au retour, pour avoir fait de mes routes des chemins magnifiques de rigueur qui étaient ma fierté, à suivre pour l'amour de vous et aussi parce que c'était comme ça que je voulais faire cette chose admirable qui est de chanter pour vous. Pour m'avoir laissé aujourd'hui à 60 et quelques poussières le bonheur intact de chanter pour vous, avec vous. Merci à vous. Merci de vous. Et merci à toi, Barbara. Merci, mon amour. Oui. Tout à l'heure, mais avec vous, c'est difficile. C'est pas difficile. C'est difficile d'aimer fort. Ça vous transperce, ça vous remue, ça vous coupe le souffle. Je connais toutes mes chansons par cœur, même celles que j'ai oublié d'avoir enregistrées autrefois. Avant d'écrire mes propres chansons, enfin la première que j'ai écrite, c'était, que j'ai composée, c'était Chapeau bas, j'avais 26 ans. J'ai chanté les chansons de ceux que j'aimais, comme Brassens ou Brel, et j'adorais ça. Il n'y a rien de plus beau que d'essayer d'être l'interprète des autres. Il m'est pourtant arrivé de changer un petit peu leurs paroles. J'ai eu tort. On n'a pas le droit de toucher au texte des autres. C'est un sacrilège. Même si je l'ai fait de temps en temps, c'est parce que je pensais vraiment ou naïvement que les hommes ne parlent pas d'amour comme les femmes. Si un jour je me suis mise à écrire « Tu ne te souviendras pas » ou « Dis quand reviendras-tu », c'est parce que j'avais besoin de parler, de chanter comme une femme, de ne plus être seulement l'interprète des hommes. Alors maintenant, vous la connaissez toute, cette petite chanson, comme une petite cantate. Alors je vais vous demander de la chanter avec moi. Si vous voulez, je vous prête bon pied. Vous aurez l'air d'un chanteur. J'ai plutôt l'air d'un maçon. Et j'ai pas de honte, car j'adore les maçons. J'adore les bâtisseurs. Merci. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte avec toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite, similaire et seule de fin. Cette petite cantate que je voulais voir, si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de mes doigts. Moi j'étais la malhabile, si la raison va. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile en dauphin. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, je là pour moi. Si minare, si minare, oh ma douce plume, si petite à moi. Oh mon Dieu, quelle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière du boulot, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si minare, si minare, si sol do fa. Si minare, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront pour toi. Cette petite cantate. Petite cantate du bon Dieu, toi. C'était Gérard Depardieu. Aujourd'hui, le lundi 30 juillet 2018, car je veux laisser la place à mon invité. Le reste de l'histoire, match de boxe, Gérard Depardieu, et puis la genèse de mon match de boxe, ce sera la semaine prochaine. Aucun problème. Alors aujourd'hui, le lundi... Oh non, Rénal! Ben oui, c'est comme ça. Vous me suivez ou vous me suivez pas, hein? J'ai une phrase que j'adore qui dit « Qui m'aime me suive? » Kiki? Qui m'aime me suive? Kiki? Qui m'aime me suive? C'est pas Kiki, c'est qui m'aime me suive. Pourquoi tu dis Kiki? Ben, c'est pour que tu enchaînes avec Kiki. Bon, OK. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Imaginez-vous, ça vient de mon esprit. J'ai pas compris pourquoi je disais Kiki deux fois. Alors moi, je peux comprendre que dans l'analyse freudienne, doubler le même quiproquo demande quand même une réflexion fondamentale de votre existence profonde. Oh. Alors, j'ai un artiste profond à vous faire, à vous présenter, à vous offrir, à vous divulguer. Donc, aujourd'hui, le lundi 30 juillet 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai passé à un cheveu de m'étouffer en direct. Peut-être même de mourir, Madame Thibodeau. Mourir! Ça veut dire ce que ça veut dire? Mourir! Mourir! Qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Ça veut dire arrêter. Oui. S'arrêter. S'arrêter. À tout jamais. À tout jamais. Ne plus revenir. Ne plus revenir. Quoi qu'il y a des... Non, on peut pas parler de gens qui croient à autre chose, là. Je les respecte profondément, mais pour moi, quand tu meurs, tu ne vis plus. Bon, OK, bravo. Alors, confions la boussole au gestionnaire. Non, mais je reprends le titre, là. La cassette, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, poète, homme de mots, même philosophe, on peut le dire, philosophe, Gilles Roucault. Gilles Roucault, C'est un être que j'ai rencontré il y a quelques années et j'ai eu la chance de voir sa copine avant lui, son amoureuse, sa femme. Donc, je vous présente, vous allez comprendre pourquoi je dois dire sa femme, il fait une différence. Alors, je vous présente Gilles Roucaute, aujourd'hui, maintenant, et tout ce que vous entendrez, c'est 100% Gilles. Alors, je dis à vous, mon Gilles! Trois épaisseurs de couverture clôturent le lit douillet de mon amour, mais que l'édredon semble lourd lorsque mon corps s'y aventure. Un frisson glace et le parcours. C'est une vraie gangue de glace qui masse sur toute sa longueur ma peau chaque soir. J'entre en mon tombeau et tel un Lazare tenace. T'en fais un petit nid bien chaud. T'en fais un petit nid bien chaud. Où ton corps nu se pelotonne, tu claques des dents, tu frissonnes quand mes doigts frictionnent ton dos. Et puis tu t'endors contre moi, blotti dans mes bras qui te serrent. Je serai la tendre barrière entre la nuit d'hiver et toi. Moi seul sais te sauver du froid. Moi seul sais te sauver du froid. Je dois à chaque hiver d'intempéries venir et blottir dans ton lit mon corps qui ne brûle que pour toi. Le compteur de ses calories. J'ai tant de fois sauvé ta vie, ravi à chaque retour des frimas. L'été qui m'éloigne de toi ne fait que grandir mon envie. Que de nouveau l'hiver soit là. Que de nouveau l'hiver soit là. Que je redevienne ton amant. Mais je sais qu'en refroidissement de nos amours sonnerait le glas, glas, glas. Et je sais bien qu'il ne faudra surtout pas te tenir rigueur d'aller en quête de chaleur, félin craintif, fuyant le froid, te réchauffer sous d'autres draps, te réchauffer sous d'autres draps. Là, c'est un enregistreur avec Moumoute. Oui, ben ça c'est pour le vin. Ouais, ouais. C'est une bonnette, mais c'est une bonnette sophistiquée. Ah oui, exactement. Oui, mais parce que j'ai aussi la bonnette traditionnelle, tu sais, le micro, ouais. Avec plus mollassonne, mm-hmm. Mais ça fonctionne pas. Ça, c'est numéro un. Non, ça, c'est une bonnette en peau de castor que tu es allé toi-même frapper. Ben oui, ben oui, ben forcément. Ben, écoute, c'est les racines. Hein? C'est ça. Ben, en parlant de racines, je sais pas si c'est vrai. J'ai appris que tu étais canadien. Oui. Pas québécois. C'est quoi un Québécois? Ben c'est un francophone. Non. T'as plein de Canadiens francophones qui n'ont jamais mis les pieds au Québec. Canadiens? T'as peu de nom. Non, t'as des francophones métis, t'as des francophones ontariens, t'as des francophones... Non, mais le Québécois, OK, c'est la personne qui parle français au Québec. Ah oui, au Québec, je suis au Québec, moi je suis là. OK, alors t'es né à quel endroit? À Montréal. Ah ben oui, mais Montréal, c'est Québec. Non, mais je peux dire que je suis canadien parce que j'ai un passeport canadien. Ça, c'est facile. Ouais. Mais je sais pas si je suis québécois parce que la définition d'un québécois est un peu complexe. Non. Bah si. Un québécois, c'est quelqu'un qui parle français au Québec. Ben, je suis pas au Québec, je suis en France. Ah oui, mais t'es un québécois parce que tu es né à Montréal et tu es d'expression francophone. Je suis né à Montréal d'expression francophone, okay. Mais j'ai pas eu le temps de m'exprimer beaucoup parce que je suis venu en France à 9 mois. Ok, oh, ok. Alors c'est tes parents qui sont partis pour venir ici. Pour être plus précis, mes parents québécois m'ont abandonné. Oh. Et j'ai été adopté par des Français quand j'avais 9 mois. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux en parler? Pas publiquement, non. Okay, okay. On peut en parler comme ça, mais, pas en micro. Ouais. Ok. Et ça t'a forgé peut-être une identité d'un chanteur revendicateur, de quelqu'un qui a quelque chose à qui veut dénoncer? Dénoncer quoi? J'en sais rien, non, je sais pas. C'est juste comme ça. Enfin, c'est, voilà, je suis né en 70. 77. Ouais, ben le Québec, moi pas encore. Le Québec, le Québec en 70 pour une fille mère, comme on disait à l'époque, c'était pas super simple quoi. Okay, donc elle est allée voir la centre sociale qui était une bonne sœur et, okay. et elle est repartie sans l'enfant. Parce qu'elle lui a dit que. Là, toi, t'étais adopté par. Et du coup, je suis allé dans un orphelinat. Okay. Et puis, j'étais mis à l'adoption. Et puis, des parents français. Il y a quoi à la pression ? Klemberger, blonde ou blanche, Guinness, Polaner, Carlsberg. Elle a une Guinness alors. Je la mets en pente, c'est la Pilauer, elle est à 6. Et pour vous, idem, pareil. Alors, la Guinness, c'est pas très bonne en dehors de l'Irlande, non, malheureusement. Oui, oui, mais je suis allé la boire là-bas. Hein. Ah, c'est mieux, hein. Mais tu sais, le mythe, là, les initiales, puis à la fin, là, si tu prends 3 heures à la boire, là, le collet, les initiales restent encore imprégnées. Ben ouais, c'est impressionnant. Donc c'est vrai. Est-ce que tu l'as essayé? Mais si, ça marche pas. Oh non, mais au Québec non plus, c'est de la merde. Bon, OK, alors, puis en plus, c'est une canette. Puis ils ont mis une bille à l'intérieur pour... Bon, c'est pas grave. Bah, elle a dit qu'elle était à la pression, mais enfin... on va parler de... Ça sera quand même moins bien. Oui, alors. Donc voilà, c'est pour ça que je peux dire que je suis canadien, parce que comme je suis né à Montréal, il suffit de demander la nationalité canadienne et je serai canadien. Si... Par contre, pour être québécois, alors là, j'en sais rien, je l'ai été. Je l'ai été pendant 9 mois. Ah, alors, pas vraiment, parce que t'as pas pu parler. Ben, je sais pas. Ok. Mais c'est vrai. Je sais pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Le Canadien, c'est simple. Québécois, je suis pile à l'endroit où tu sais pas dire. Non, mais c'est intéressant parce que dans ton cas, c'est vrai, c'est complexe. Dans ton cas, c'est complexe. T'as pas un document qui dit que t'es Québécois, t'es pas Québécois. T'es français, c'est simple. Ouais. Mais Québécois, il n'y a pas de document officiel. Encore. Donc. Effectivement. Et donc, c'est des Français qui t'ont adopté. Et pourquoi on allait chercher des enfants au Québec? Tu sais, le marché d'adoption est et a toujours été où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc les enfants, tu vas les chercher où tu peux. Hein. Tu vas les chercher au Congo, en Chine, en Corée ou au Québec. Okay. Et pourquoi on offrait des petits Québécois à des Français? Parce que c'était les bonnes sœurs qui tenaient ça, et que je pense que dans la mentalité de l'époque, il fallait que les parents soient catholiques et francophones. Okay. T'allais pas fourrer un petit Québécois. T'allais pas fourrer un petit Québécois à des protestants californiens. T'es d'accord? Donc où c'est qu'on allait trouver des francophones si on n'était pas au Québec? Suivez mon regard, t'allais en Belgique, en Suisse, en Suisse encore, t'as un peu trop de protestants, mais t'allais en France, en Belgique. Donc en Belgique, en France. Et par la suite. Je suppose, ça c'est une supposition, c'est rien. Ça me paraît cohérent. C'est intéressant, oui, parce que tu as réfléchi aussi. Si je te raconte ma vie, on va pas commencer l'interview tout de suite. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, on a le temps. Puis t'es mon dernier invité, donc on a le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est qu'à mon nom, vous avez passé une loi, la loi Retrouvailles. Oui. Ben, mon ex-mère, elle a saisi l'occasion, elle a fait une démarche pour me retrouver. Oui, mais tu peux refuser. Oui, alors une travailleuse sociale m'a contacté. Okay. Récemment, ça? Non, j'ai 25 ans. Ah, ok, il y a 25 ans. J'avais 25 okay, ans. Donc, 25 ans. Okay. Il y a 23 ans. Okay. Il y a 21 ans. Okay. Elle m'a contacté, j'ai discuté avec elle et puis petit à petit, j'ai repris contact. Mais j'ai par courrier, machin, c'est ça. Je trouve ça très bien. Pour les gens qui tiennent à savoir leur racine. Moi, je tenais pas spécialement à savoir. Moi, je savais que j'étais né au Québec et le reste, j'en fous. Alors, t'as dit oui ou non? Moi, j'ai dit oui. Ok. Et je suis en contact avec ma mère biologique, okay. une demi-sœur biologique, etc., etc. Et l'été dernier, j'ai passé un mois au Québec avec ma femme que tu connais. Oui, bah oui. Et je les connais quoi. Et puis elles sont venues à mon mariage il y a 2 ans. Ah. Je les ai même présentées à mes parents. Donc petit à petit, ça a pris du temps parce que c'est complexe. Ah oui. Les gens qui sont le plus en difficulté dans cette démarche sont les parents adoptifs. Ok. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est comme deuxième, mais c'est eux qui ont pris soin de toi. Il faut penser à eux. C'est vrai. Raison, c'est donc c'est bien pour... Mais il faut aussi mettre les cartes sur table et dire vous restez mes parents, mais je veux... C'est ce que j'ai fait. Et la première chose que j'ai dite à Marie-André, donc ma mère biologique, c'est tu sais, j'ai déjà une mère. Hein. Okay. Il y a des mères, t'en as qu'une. Tu vois, je connais personne qui peut avoir deux mères en même temps. Non. Des frères et sœurs, ça, tu peux t'en trouver, tu peux en perdre. Mais des mères, t'en as qu'une. Donc moi... Mon choix il est fait depuis longtemps, parce que j'avais 9 mois quand je suis arrivé en France. Et puis qu'est-ce que, en arrivant en France, donc... Santé. Ah, excuse-moi, oui. C'est peut-être ton cinquième interview santé. Et ta cinquième peine de Guinness. Non, pas du tout. Santé quand même. Non, non, c'est ma première bière, mais je suis arrivé aujourd'hui. Donc, il y a le décalage horaire. J'ai vu ton mot sur Facebook. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Donc, Donc, tu commences à être en pleine forme. Je commence à être en pleine forme. Non, là, c'est ma dernière. Et heureusement que c'est ma dernière, parce qu'après ça, je vais aller me coucher. Attends, c'est midi au Québec, là. Oui, mais il faut savoir que, exceptionnellement, j'ai fait Québec-Montréal, Montréal ici à Paris. Parce qu'il n'y a plus de ligne directe, puisqu'ils sont en train de faire les recouvrements de l'aéroport à Québec. Ah, d'accord. Donc là, je suis obligé de faire un transfert. Et là, pour mon retour, je fais d'ici Montréal, Montréal-Québec, et j'ai eu 12 heures d'attente. À Montréal? Pour faire, 45 minutes d'avion pour me rendre à Québec. Ouais, tu ne peux pas prendre le car? J'aurais pu, mais c'était inclus dans mon forfait, donc pourquoi payer un supplément? Donc, je vais attendre... Je vais attendre 12 heures. Comme là, j'ai attendu 8 heures. Donc, c'est un vol qui m'a pris 15 heures. C'est quelle compagnie que j'évite? Air Transat. Mais c'est le moins cher, hein? Oui, oui. Donc, tout le monde prend Air Transat. Mais l'année prochaine, ce sera plus ça. L'année prochaine, je vais pouvoir... Ils auront asphalté l'aéroport. Et... Comme d'habitude, vous pouvez partir de Québec. Ça prend 6h05. Imagine, le pire, c'est que tu fais Québec... Montréal... Tu vas à Paris, mais pour aller à Paris, tu reviens à Québec. Tu passes au-dessus de Québec pour t'en aller à Paris. C'est pour en parler. Alors toi, en venant ici à Paris, tu vas donc étudier... Es-tu de Paris? Est-ce que tes parents viennent d'ici? Marseille. OK. Et de Marseille, tu vas étudier là-bas. Ouais. Et ben, t'as pas vraiment l'accent marseillais, c'est pour ça que je trouve ça... Non. Okay. Là, je suis en train de le rechercher, mais... J'ai besoin pour un spectacle, mais j'ai pas l'accent marseillais. Pourquoi? C'est une comédie ou... Pourquoi tu vas avoir l'accent? Mon personnage, pas l'accent. OK. Mon spectacle s'appelle Virage à droite. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, t'as fait une chanson sur la... J'ai une chanson sur l'extrême droite, mais ouais. Non, c'est Virage à droite, on est quatre chanteurs comédiens. Je ne suis pas superstitieux, pourtant quand là-haut dans les cieux je vois défiler les étoiles, je fais un vœu, c'est bien normal. Je ne demande pas d'argent, pas d'être plus intelligent, pas plus les honneurs des gazettes. Je n'ai qu'un seul rêve, c'est d'être conforme. Je veux être un être conforme, conforme. Dans cet univers uniforme, conforme. Bien dans les formes, bien dans les normes, bien conforme. Vivre heureux, vivons courbés, comme le vent courbe le blé. Inclinons nos fronts avec l'âge, offrons notre nuque à l'orage. Avoir la tête qui dépasse, c'est l'exposer à la menace. Tel on nous veut, tel on nous forme. En citoyen, copie conforme, conforme. Je veux être un être conforme, conforme. Dans cet univers uniforme, conforme. bien dans les formes, bien dans les normes. Souvent la nuit, j'entends leur voix. Ils se ressemblent et s'assemblent. Ils me regardent, ils sont sur moi. Ils savent bien que je ne suis pas conforme. Je ne suis pas tout droit, pas conforme. Conforme. Dans cet univers uniforme. Conforme. Bien dans les formes, bien dans les normes. Bien conforme. Conforme. Je veux être un être conforme. Conforme. Conforme. Dans cet univers uniforme. Conforme. Conforme. Bien dans les formes, bien dans les normes. Bien conforme. D'Avignon là, donc après-demain je vais au festival d'Avignon, on va jouer tout le mois et c'est un spectacle de chansons engagées de droite, donc du Sardou, du Johnny Hallyday, du Didier Barbelivien, des chansons engagées de droite. Pourquoi? Parce que c'est drôle, parce que c'est juste marrant. Ne m'appelez plus jamais pas, c'est un truc. Non, presque, pas celui-là, mais okay. Sardou, il y a tellement de choix que... De ces chansons, j'irai bien aller vos femmes. Oui, on n'a pas fait celle-là non plus. Okay. Mais parce qu'on en a une pire dans le genre, mais. Ok, mais là tu veux si c'est laquelle? La pire dans le genre. Une chanson de Claude Barzotti. Ok. La France est aux Français. Ah oui. Ouais, mais heureusement qu'on n'entend plus parler de Barzotti. Pas trop, c'est vrai, mais chanson existe. Mais là, il fait des galas là, pour personnes âgées, là, c'est tête de bois, je sais pas quoi. Là. Mmh. Il fait ce qu'il peut, comme tout le monde. Hein. Mais pourquoi tu fais pas tes compositions? Parce que tes compositeurs, je diffuse tes chansons régulièrement à mon émission. Oui, même. Ben, parce que tu m'en as... Lorsque j'ai rencontré ta copine, qui était pas ta femme à l'époque, qui est devenue ta femme... Non, elle a 2 ans qu'elle est ma femme. Ah, je l'ai rencontrée il y a 2 ans? Ouais. Elle était? Ouais, en juillet. Et depuis un mois. Ah ben voilà. Depuis 2 mois. Ah ben elle était fraîchement ta femme. Ouais. Donc, mais j'ai ton album, je le diffuse parce que ce qui me plaît là-dedans, c'est ton petit côté réactionnaire, c'est ton petit côté grinçant. T'enregistres là depuis tout à l'heure? Ben oui. Tu passes pas les trucs sur mon histoire familiale, hein? Tu veux pas que je la passe? Non. Ok, tu veux que je commence là? On commence quand tu veux, mais tout ce qui est avant, si tu veux, j'ai pas envie qu'on m'appelle pour des émissions à la con, j'ai retrouvé ma mère, tu vois. Non, mais ça serait pas le cas. Ok, mais si tu veux pas, moi ça me dérange pas, c'est ce que tu décides. Non, je préfère pas. Ok, alors tu veux que je ferme ce que je recommence? Je te fais confiance. Ok. Tu veux ce que tu veux, moi je te fais confiance, c'est juste que j'ai pas envie de... Non, on l'entendra pas. On de rendre ça public. Là. Ok. Je vais raconter une histoire comme quoi... ma situation familiale a fait que je suis né à Montréal et j'ai grandi à Marseille. Voilà. Ça, je m'en fous, mais en tout cas, voilà. Non, on ne dira pas, mais on va commencer là. OK? Et là, tu prépares un spectacle à 4 personnes qui s'appelle Virage à droite. Mmh. Et tu t'en vas là, dans 2 jours pour le faire. Mais est-ce qu'il est rodé? Oui, en fait, je remplace. Je suis un remplaçant. Oh, okay. Je remplace un chanteur qui s'appelle Manu Galure, hein, okay. Qui dans le spectacle s'appelle Manu Galadur. et moi je m'appelle Gilles Rocotte, mais dans le spectacle je m'appelle Gilles Scardestin. Okay. Et oui, le spectacle est rodé et moi je suis un peu moins rodé, mais on a beaucoup répété et on a fait une première à Paris pour préparer, puis ça va à peu près. Et puis de toute façon, c'est un spectacle qui supporte l'approximation. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment c'est accueilli. Ah ben, les gens rigolent comme des bossus. Ok. Ben, c'est marrant d'entendre... C'est les paroles qui sont... Ouais, la variété, c'est quelque chose qui passe comme ça et t'écoutes pas vraiment. Et quand t'écoutes, ça peut être très marrant. C'est énorme. Ça peut être énorme. Ouais. C'est marrant dans le sens de pignole. Parfois marrant, et parfois ouais, un peu ignoble. Mais lorsque toi tu as pris le spectacle, les chansons étaient déjà choisies, donc tu prends le train en marche. J'ai pris le train en marche, moi. Ouais. Ok, alors tu n'as pas sélectionné aucune chanson? Non, bon, je fais des propositions et tout ça, mais... Il a modifié? Est-ce qu'il a modifié des choses? Mais c'est-à-dire qu'il y a des chansons, mais il y a beaucoup de blabla aussi. Donc okay. on a des propositions à faire pour tous les inter-chansons. Et c'est pour ça que c'est des comédiens qui sont aussi chanteurs. Donc il y a le travail des comédiens qui racontent et le côté chanteur qui chante. Et faire la musique. Moi, je me suis mis à la basse pour le spectacle. Et t'es à la gratte, normalement? Moi, je suis guitariste et là, il faut que je fasse de la basse. OK. Et la différence, mais là, t'es vraiment pas habitué, là? Non, mais j'ai répété. OK. Puis c'est ça l'intérêt, c'est de jouer d'un instrument qu'on connaît pas, c'est d'être instable là-dedans. Ben, il faut une basse. Voilà, ouais, c'est ouais, tout. Ouais, okay, ouais, ouais. Alors, j'ai pas tout à fait le talent de Paul McCartney, mais pourquoi pas passer la guitare à la basse. Après, ce sont des chansons qui supportent l'approximation. Ok. Ah oh, oui, parce que c'est de l'humour, donc tu peux te tromper. C'est ça que tu veux dire. Oui, puis souvent les paroles sont assez approximatives. Ah, oui. C'est pas... Mais vous faites les reprises avec les mêmes choses, vous rajoutez rien, c'est les vraies paroles. Oui. On a une chanson d'introduction qu'on a trafiquée pour présenter l'esprit du spectacle, mais tout le reste, c'est les vraies paroles. Une chanson de Bernard Tapie qui chante « Réussir sa vie », par exemple. Okay. Tout ça, c'est de l'original. Sardou, Ronny, Barbelivien. Mais toi, dans ta carrière solo, parce que là, tu vas faire ça parce que tu remplaces quelqu'un, et sinon, toi, tu as une vraie carrière solo. Tu écris tes chansons, j'ai eu ton premier album. C'est le premier album que j'ai entre les mains. D'accord. Que tu m'as donné il y a 2 ans. Mmh. Oui. Le premier album 12 titres, c'est oui. Ça, là? Oui, où on te voit avec... Scène. Ah non, c'est pas lui, on ah, te c'est voit. Quoi, là? Non, c'est. Ah, ça ressemble à ça ici. C'est ça, ben c'est ça, on voit pas, c'est un mouton. Oui, non, mais je veux dire, on voit un gars avec. C'est quoi, c'est vraiment. C'est le bruit. Oui, ça vient de. Qu'est-ce que je dis? On te voit avec un genre de Lucky Luke, là, avec un. Ah, peut-être que je me trompe. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, exactement. Ok, tu m'as donné ça comme ça. Tu m'as remis ça comme d'accord, ça. D'accord, c'est ça. Ok? Non, oui, voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est ton premier album. Alors ça, je fais les sous-titres. Conforme. Alors attends, je fais les sous-titres oui, pour les okay, gens qu'on est à la radio quand ben même. Oui, ben oui. Quand on dit ça, c'est le livret du spectacle, du spectacle Cracheur de mots que j'avais joué à Avignon, Festival Off d'Avignon justement. Et c'est pas, est-ce que c'est ton premier spectacle? Non. Ok. Non, mais c'est moi. C'était la première fois depuis longtemps que je jouais tout seul. Ok. Parce que je suis pas un musicien extraordinaire, donc je me reposais quand même plus sur des gens qui savent jouer de la musique. Ok. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains et ma guitare de l'autre, et je suis allé jouer tout seul. Ok. Et j'ai perfectionné ce spectacle l'année d'après, toujours à Avignon, en ajoutant des vidéos. Un spectacle en interagissant avec des vidéos que je projette moi-même. Mais pourquoi toujours à Avignon? Parce que c'est un chouette endroit, un peu difficile, assez dur. Mais beaucoup de spectacles. Hein. Ouais, ah ouais, ça, il y en a 1300, je pense, quelque chose comme ça. C'est du foire au spectacle. Ouais. Mais quand tu fais de l'andouille, autant aller à la foire à l'andouille. Et quand tu fais des spectacles, autant aller à la foire au spectacle. Quoi. C'est, ouais. C'est ta place. Ouais. Mais tu fais aussi beaucoup de bars, beaucoup de cabarets. On t'entend dans les bars, dans les bars, c'est pas le plus facile pour moi parce que c'est des chansons assez écrites qui demandent qu'on les écoute et dans le bruit, comme on est en train de subir là, elles passent pas très bien. Alors j'ai fait un spectacle qui s'y prête plus. J'ai adapté des chansons de Bruce Springsteen en français. Okay. Et ça, c'est, ça passe plus dans oui, les bars, ben quoi. Oui, ben parce que c'est. Parce que c'est un on peu plus connaît, rythmé. Connaît, voilà. En français, donc on fait les liens. Voilà, tu peux reconnaître les airs des tunes et tout ça, et puis elles sont. C'est une écriture plus simple. Okay. Que la mienne. Oui. Mais toi, comme je te disais que tout à l'heure, avant qu'on parle de mon micro, que tu écrivais un peu, que tu étais croustillant dans tes propos, tu riais un peu. Tu crois pas que tu vises au plancher les anomalies de notre société, que tu vises, que tu observes ce qui se passe et que tu les réécris à ta façon? T'écris parce que t'as une émotion et que tu veux la transmettre à quelqu'un. Ouais. Donc cette émotion, elle vient de n'importe quoi. vient de, parce qu'il fait beau, t'entends un oiseau et il te vient quelques mots ou une mélodie, quoi, et puis t'en fais une chanson ou pas. Oui, mais c'est la façon d'écrire aussi. Tu peux l'écrire d'une manière mielleuse ou tu peux l'écrire d'une manière un peu plus réactionnaire. Je suis pas très mielleux. Je pense que réactionnaire, ça veut pas dire la même chose au Québec et en France. Pourquoi? Réactionnaire en France, c'est politique. Ben, Brassens, exemple. Oui, mais non, en France, réactionnaire, c'est comme conservateur, mais pire. Ah non. Quand t'es conservateur, tu veux que les choses elles restent comme elles sont. Quand t'es réactionnaire, tu veux qu'elles reviennent comme elles étaient avant. Je pense qu'au Québec, ça veut dire plutôt que, plus à vif. Oui, oui. Voilà, c'est ça. À fleur de peau. À fleur de peau, voilà. Quelque chose, un peu comme Brassens, Brel, dénoncer les choses, le prendre en avant et non pas... Moi, je dirais que Brel, il est prêt en avant, mais Brassens, il a une politesse, il a une distance, oui. Il a un filtre. Oui, oui, oui. Il se met d'une certaine façon en scène et il met en scène sa pudeur. Il a même une timidité, quelquefois, ouais. En baissant les yeux, en riant, ouais. Un petit rictus, c'est intéressant. Et même dans la façon dont c'est écrit, tu vas avoir une transformation de la réalité, là où Brel va essayer de te la restituer. Ah oui, oui. D'une manière... À fleur de peau, oui, oui, oui. Et que tu te la prennes bien dans la gueule, tandis que Brassens, il va te la... Roucouler. Non, roucouler, ça fait chanteur de charme, je trouve. Okay. Il va te la processer, cet anglicisme. Okay. C'est un anglicisme, mais il va te façonner un objet à partir d'elle. Des trains qui traversaient l'Europe, les odeurs de banquettes, les gares interlopes, les vieux calorifères qui brûlaient les mollets, sur nos mains qui se serrent, leurs regards emmêlés, les jours s'amoncelaient aux vitres couleur givre, le temps se résignait à nous voir juste. Les couloirs s'emplissaient du parfum lourd des corps. Les acteurs s'endormaient et filent le décor. Et c'était des forêts, et c'était des villages. Rien qu'à les voir filer, on les savait sans âge. On les savait sans haine, on les savait sans bruit. Déjà le train entraîne la scène dans l'oubli. Quand la nuit s'avançait, il arrivait parfois que ton corps harassé s'endorme contre moi. De mes doigts audacieux, je caressais ton front. Mes lèvres en tes cheveux, ils murmuraient ton nom. Au hasard d'une étape, nous prenions nos quartiers. D'un hôtel sans étoiles, le grabat fatigué nous était lit d'amour, le drap grossier satin. Les dormeurs alentour en perdaient leur latin. Des courses à plus finir dans des villes qui rêvent. L'éclat de l'avenir d'un soleil qui se lève, les foules enrubannées d'un quotidien d'ennui, les jours pour des années, des siècles chaque nuit, et le temps s'écoulait comme seul en voyage. On peut le voir filer doux, caressant et sage, aux voyageurs contents, le palan des voitures. La caresse du temps, la vie sans fioriture. que Brel, il essaie de te la prendre telle quelle et te l'envoyer dans la gueule. Alors, je pense, dans mon écriture, je suis passé de Brassens, enfin, de Brassens à Brel, je suis quelque part entre les deux. J'ai commencé par être un petit peu précieux, un petit peu à distance, et que j'essaye de l'être de moins en moins. Voilà, j'essaye d'enlever les mots, qu'il y ait de moins en moins de mots. Je vais te comparer à quelqu'un que je connais et que j'adore, parce que lorsque je te diffuse, l'autre est à côté. C'est Gueule de Bois. Est-ce que tu connais Gueule de Bois? Non. OK. C'est un chanteur qui habitait Paris. Là, il est rendu à Toulouse et puis il est rendu à son 8e album. Gueule de Bois? Oui. Ah oui, je le connais alors. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Alors? D'accord. Trouves-tu que ça se croise un peu? Ah, faut que je réécoute. Ça fait vraiment trop longtemps. Ah, oui. J'ai entendu au Limonaire, mais il y a au moins 10 ans, quoi. OK. Mais c'est tout aussi corrosif. Une écriture corrosive avec le style de rendre les mots d'une manière assez de front. Et je trouve que tu ressembles un peu à Gueule de Bois. Enfin, on est comme dans un monde, au Québec, je sais pas, mais en France en tout cas, où l'expression est assez crue. Je sais pas, tu prends les tweets du président américain ou les réactions sur la présidentielle française. Ou dès que tu dis un mot sur Facebook, tu te prends des volets de bois vert. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un monde tiède. On est dans un monde où l'expression est quand même très très à vif. Sauf qu'au niveau musical, c'est pas du tout la même chose. Non, mais pourquoi ne peut-on pas chanter, enfin ce qu'on dit, voilà, ce qu'on écrit sur Facebook, pourquoi ne pas le chanter? Voilà. Alors, c'est ça, c'est ce qui manque dans la musique, c'est ça, c'est de prendre le discours de front et de l'acclamer. Aujourd'hui, la musique, il faut être gentil, il faut pas blesser personne, il faut bien paraître, il faut être politiquement correct. Mais quand il y a des gens comme toi qui montent sur les barricades, entre guillemets, et ils chantent ces textes qui veulent dire, qui veulent dénoncer aussi, parce que dans toutes les chansons, tu veux dénoncer. Peut-être que tu t'es pas rendu compte de ça, mais y a pas, c'est rare les chansons que tu ne prends pas parti. J'ai pas une intention. J'ai pas une intention. C'est pas une intention. Okay. Tu fais référence à une chanson en particulier? Ben, l'album que tu m'as remis, que je diffuse, celui-là. Là? Exactement. Tu trouves que, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport aux albums qui ont suivi? Il n'y a pas d'album qui a suivi. Actuellement, je vends mes chansons à l'unité. Okay. Sur Internet par une plateforme de financement participatif qui s'appelle Tipeee. Okay. Le Tipeee, c'est français. En fait, c'est un... C'est comme 99 chevaux, nous autres, c'est 99 cents pour une chanson. Oui. Euro pour une chanson, exemple. C'est ça, sauf que les gens, ils payent avant et après, ils reçoivent la chanson et moi, je reçois leur euro. Okay. Et donc, je sais pas dire, je suis un peu spectateur de la direction où ça va. Ah. Et en plus, les chansons qui sortent sont parfois récentes et parfois anciennes. Ça peut être des chansons d'il y a 10 ans que j'ai jamais eu l'occasion d'enregistrer et que là j'ai l'occasion d'enregistrer. Donc ça mélange beaucoup de choses. Mais pourquoi tu veux plus faire d'album comme on le conçoit? Parce que ça se vend pas, ou pas très bien, et que ça coûte beaucoup plus cher. Si ouais, mais quand tu fais un spectacle, pourquoi tu présentes pas tes albums comme plusieurs le font? Pour faire un album dans de bonnes conditions, alors je parle pas du showbiz et des gens qui ont vraiment des sous. Mais quand tu t'organises un peu en payant les musiciens, en payant, tu te retrouves à devoir mettre 15 000 euros sur la table avant de vendre le premier. Alors tu peux avancer un petit peu l'appel si tu fais une souscription ou un financement participatif sur l'album et tout ça, mais où tu t'engages à sortir dans les 6 mois. Donc tu as déjà mis 8 000 euros sur la table et tu vas chercher les 3 ou 4 000 qui te manquent. Si tu arrives à 12 000. Mais aujourd'hui, avec les systèmes maison, avec les studios maison. Et là, j'engage moins. OK. Ouais. Et avec le studio maison, donc, tu trouves pas qu'on peut arriver à un son intéressant? Moi, je sais pas faire. OK. Oh, okay. Du coup, je travaille avec des gens qui savent faire. OK. Okay. Et comme j'ai... Et puis, voilà, il faut les payer. Okay. C'est pas forcément les payer les standards que Johnny Hallyday paye pour faire ses albums, mais il faut les payer. Ouais. Et les payer, non, 12 000 euros pour un album, c'est pas cher. Ouais. Du coup, en faisant 12 chansons les unes après les autres, ben, ça fait que 1 000 euros à chaque fois. Et j'ai moins d'avance de trésorerie à faire. Ce que tu préconises davantage, c'est les chanter sur scène. C'est sur scène que tu peux gagner ta vie. Ouais. Après, moi j'écris des chansons, je participe à des ateliers d'écriture. Écrire des chansons, c'est un plaisir. C'est ce qui est premier en fait. Je les chante parce que je les écris. Je les enregistre parce que je les ai écrites et j'ai envie qu'on les entende. Oh, ben oui, ben oui. Et j'en écris beaucoup plus que ce que j'enregistre ou que ce que je chante sur scène. J'aime beaucoup. Après, il faut sélectionner et sortir que les meilleurs parce qu'il n'y a pas que des bonnes non plus. Mais... donc écrire des chansons, c'est un processus. Faire des spectacles, c'en est un autre, et enregistrer, c'en est un autre. J'ai pas une cohérence qui va dire là en 2018 je vais faire une tournée, en 2019 je vais sortir un album, en 2020 je vais m'isoler à la campagne pour écrire des textes qui vont servir au spectacle de 2021. Et... C'est plutôt un luxe hein, quand on parle de la personne. Je fais tout en même temps. J'essaye de jouer quand je peux. Je sors un titre quand je peux parce que les musiciens, j'ai réussi à réunir les musiciens et que Guillaume qui fait le son en ce moment a fini son travail sur un morceau. Et puis j'écris des chansons quand il m'en vient ou quand j'ai l'occasion d'en écrire. J'ai vu une vidéo avec toi qui fait un peu genre Bonnie and Clyde, toi et ta copine. Est-ce que tu te rappelles il y a à peu près un an et demi? On joue dans mon salon, c'est ça? Oui, exactement. Alors, pourquoi tu as voulu faire ça? C'est une blague? Mon épouse, oui. Liu Yaguan, qui est une artiste oui, graphiste, oui, oui. Peintre. Oui. Alors, en fait, on fréquente un lieu de café qui s'appelle la Caféothèque à Paris. Oui. Et ils fêtaient leur anniversaire et ils demandaient aux gens, à leurs sympathisants, de leur faire un message vidéo. Okay. Et plutôt que leur dire « Salut la Caféothèque, 10 ans », j'aurais écrit une chanson. Ah oui, c'est bien. Et puis Yaguan m'a dit « Oh, c'est bien, je m'associe ». Donc on a fait ça ensemble, c'était notre clin d'œil, quoi. C'est bien. Et tu es content du résultat? Oui, oui, ben voilà, c'est un clin d'œil. C'est une blague. Oui, c'est une blague, ça leur a fait rire, c'est toujours sur Internet. Ben, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Ouais, tant que ça, combien? Oh, ça, je ne sais pas, mais moi, à l'époque, il y a un an et demi, il y a au moins 200 personnes qui l'ont vu. C'est pas grand-chose, 200 personnes. Ben, 200 personnes, ben, je trouve que oui. Attends, aujourd'hui... Dis-toi une chose, que si tu touches une personne, c'est celle-là qui est importante. Bien sûr, mais aujourd'hui, tu fais un tutoriel de maquillage, t'as de 200 000 vues, enfin... Ah oui, oui, oui. Ben, peut-être pas toi et moi, parce qu'à côté maquillage, je pense qu'on n'est pas meilleur l'un que l'autre. Mais... T'as une jeune femme de 21 ans, ouais. Blonde, fait un tutoriel de maquillage. Oui, oui, oui. Donc, 200 vues, c'est rien. Et je te signale qu'une de mes chansons, on a fait 20 000, hein, ou un peu moins, donc... C'est « J'ai voté Front National », malheureusement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Oui. C'est la chimie propre aux réseaux sociaux. Si tu veux, si aujourd'hui je sors une chanson « J'ai voté Front National », alors tout le monde parle d'autre chose. Ouais. On parle de Trump, de Macron, de ce que tu veux. Je vais la poster, j'ai 2500 personnes qui me suivent sur Facebook. Il y en a 80 qui la verront. Si je la sors le soir de la présidentielle où tout le monde parle du Front National, il y aura 2200 personnes qui la verront. Si ça parle aux gens, ils vont la... 2200 personnes vont la... Il y en a quelques-uns qui vont la partager. Et ça fera 2200 le premier coup, 1000 au deuxième, etc., etc. Et une semaine plus tard, j'aurai 15 000 vues. C'est ce qui s'est passé quand j'ai sorti la chanson et que, parce que tout le monde sur Facebook parlait du Front National, c'était les municipales ou les européennes, je ne sais plus, en 2014. J'ai fait ma chanson, j'ai voté Front National, je vous l'avais bien dit, j'ai voté Front National, etc., etc. Et ça s'est partagé comme une traînée de poudre. Alors c'est de la provocation aussi, t'aimes bien glisser, t'aimes bien faire réagir. Mmh. c'est ça l'intérêt aussi. En fait, c'était pas un calcul ce soir-là. C'était juste que j'avais envie de causer de ça et que j'ai rien trouvé de mieux que cette chanson pour en causer. Tout ce que j'ai à en dire est dedans, en fait. J'ai voté Front National pour la première fois de ma vie. Je l'ai lu dans le journal, on est envahi, on est envahi, on est envahi, on est envahi. Ils me disent tout ce que c'est mal, que j'ai fauté, j'ai failli. Mais j'ai emmerdé, j'avais le choix et j'ai choisi. J'ai voté Front National, ben quoi, c'est pas interdit. Les affaires, l'argent sale, c'est que des pourris, que des pourris, que des pourris, que des pourris. Les soirées électorales et leurs sales yeux déconfits. J'ai pris mon pied, oui j'avoue que j'ai bien ri. J'ai voté Front National, c'est quoi leur démocratie? Le pas pire ou le moins mal, c'est tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit. Je voulais juste foutre la pagaille et leur montrer que nous les petits, si on cogne on peut faire mal à ces pourris. J'ai voté Front National, pas pour le drapeau, la patrie. Je suis pas fan du maréchal et je suis pas nazi, je suis pas nazi, je suis pas nazi, je suis pas nazi. Mais ça peut pas faire de mal, un vrai chef à ce pays. Je suis pas raciste, mais bien fait pour tu sais qui. J'ai voté Front National contre les racailles et les bandits. Ils s'en aillent, ciao, bye bye, loin dans leur pays, dans leur pays, dans leur pays, dans leur pays. Puis ça mettra au travail les chômeurs français, moi je dis, au boulot les assistés et leurs amis. Front National pour la dernière fois de ma vie. Le système électoral paraît que c'est fini, paraît que c'est fini, paraît que c'est fini, paraît que c'est fini. J'ai voté Front National, j'aurais peut-être pas dû, tant pis. Je voulais mettre feu à une paille et c'est l'incendie. Je voulais mettre feu à une paille et c'est l'incendie. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Reynald Darny. Et avant de monter sur scène, j'écrivais des chansons tout seul dans mon coin. Mais... Ah, est-ce que tu écris pour d'autres ou... Oui, j'écris pour d'autres. J'écris pour une chanteuse qui s'appelle Catherine Valtefel, okay. Une cello woman. Et puis je collabore de ça sur des spectacles. C'est la seule collaboration de longue durée. Alors, je vais revenir à mon ancienne question. Est-ce que tu vois qu'il y a un public pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? Oui, bien sûr, il y a des gens qui me suivent. Oui, oui. Mais ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Non, ben, c'est pas le nombre. Hein. Le nombre, c'est sûr que c'est plus payant. Mais en même temps, quand tu touches une personne, c'est déjà beaucoup. Oui, et c'est précieux. Mais bien sûr, il y a des gens qui me suivent. Et qu'est-ce que ça te fait de recevoir des courriels ou de recevoir des salutations après le spectacle? Il y a des gens qui me suivent et il y a des gens qui m'accompagnent. Okay. C'est-à-dire que je travaille avec des musiciens ou avec une graphiste qui par ailleurs est ma femme. Oui. Mais je travaille avec des gens. Là, j'ai travaillé pour un clip autour de la chanson Le Minotaur avec une équipe. J'espère bien pouvoir recollaborer avec eux. Okay. Parce que je pense que oui, il y a des gens qui... trouve de l'intérêt dans ce que je fais et qui ont envie d'y participer, même si moi j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils soient payés pour ça. Mais et est-ce qu'il y a des gens qui me suivent, que je revois dans les concerts? Oui. Qui m'achètent mes titres quand ils sortent? Oui. Okay. Mon projet il s'appuie là-dessus. Ouais. Il s'appuie sur le fait que des gens, sans savoir ce que je vais sortir, sans l'avoir entendu, sont prêts à mettre quelques euros pour c'est que bien. Ça sorte. Ok, c'est bien. Ils seraient plus nombreux, ça ne me dérangerait pas, mais oui, il y en a, okay. Bien sûr. J'ai 10 questions, j'aimerais savoir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide, je l'ai posé à ta femme il y a 2 ans. Qu'est-ce que t'as arrivé? Ben, tu te rappelles pas, donc de là l'intérêt. Je pense que je serais une bière. Laquelle? Une bière, j'espère. Non, une bière belge. Ok. de haute fermentation. Ok. C'est celle qui a un pourcentage d'alcool assez fort. 9, 10. Et un goût, ouais, une rochefort. Ok. Une couac. Les bières préférées d'Arnaud, hein. C'est les bières préférées d'Arnaud. Tu le connais sans doute mieux que moi. Je connais le personnage, hein. Et en même temps qu'il reste simple, parce qu'une bière c'est accessible à tout le monde. Oui. Tu vois, c'est pas un champagne, c'est pas... Tu connais le groupe Megadeth? De nom? Seulement de nom. Bon. Le chanteur, pour son anniversaire, a demandé à une compagnie de bière du Québec, Unibrew, de lui fabriquer une bière à son profil. Oui. Et il voulait pas que ce soit compliqué, il voulait que ça soit accessible à tout le monde. Et le nom de la bière, c'est Tout le monde. Et c'est une bière au goût d'agrumes à 4,5 degrés d'alcool. Ouais. Et la majorité des gens l'adorent, mais ils l'associent aussi au groupe Megadeth. D'accord. Si tu étais une ville. Si Unibrew, oui, c'est Unibrew m'entend. Ben, Unibrew, c'est l'ancien. OK, Unibrew a été. Fondé par Charlebois. Voilà. Oui, je sais. Attends, je suis allé quand même plusieurs fois au Québec et j'ai eu l'occasion de goûter la Maudite. Ah oui, ou des bières comme ça, quoi. La fin du monde. La fin du monde est pas mal, la fin du monde. Et comment tu la trouves? Parce que ça, c'est une triple fermentation. Et j'adore ça. Okay. Et justement, et je rends grâce au Québec d'avoir introduit en Amérique du Nord, qui leur était hostile, des choses comme les bières à la façon belge, entre guillemets, des fromages à la façon française, etc. etc. Vous êtes quand même un oasis de choses intéressantes à manger. Et dis-toi qu'on a de plus en plus de microbrasseries. Ben oui, tout à qui fait. Explosent. C'est vraiment intéressant. Et celle-là, cette bière-là, comment tu la trouves? Alors là, on est en train de boire une Guinness, mais je suis allé souvent à Dublin. Et, ouais. Et c'est vrai que la Guinness n'a pas le même goût dans le quartier où est fabriquée la Guinness que dans le reste du monde. Elle n'a pas le collet de la Guinness, c'en est gênant. Non, mais voilà. C'est dommage, mais elle ne voyage pas. Quoi. Et au goût? Est-ce que c'est la même goût? Elle se boire, mais c'est pas pareil, non. Non. Elle a le goût sucré, mais elle n'a pas cette effervescence. Elle ne voyage pas. Alors toi, tu voudrais être une bière? Une de ces bières-là, pas n'importe quelle bière. J'ai pas envie d'être une Molson. Et tu la nommerais? Oh, voilà. Un connaisseur du Québec. Oui, par les Québécois, quand même. Et tu la nommerais comment, ta bière? La Roucoute. Voyons, non, mais oui, pourquoi pas? Le destin m'a donné un nom de façon un peu comme ça, un peu de billard à trois bandes, mais. Et ça vient du sud. Et ça vient du sud. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Roucoute, ça vient du côté d'Alès, dans le Gard. En fait, il y a une sorte de petite butte qui s'appelle Roca Alta. Okay. En latin, et c'est ça qui a donné Roucoute. Okay. Roucoute est la déformation de Roca Alta. Et en fait, les roucoutes qui viennent de là, et au 18e siècle, je pense, il y a eu un gros schisme dans la famille entre les catholiques et les protestants. D'accord, au moment de la réforme, de la contre-réforme. Et donc, il y en a qui sont exilés, les catholiques, qui ne sont pas devenus protestants, se sont exilés et sont allés du côté de Marseille. Voilà. Donc c'est un nom du sud. Mais est-ce que c'est répandu? Non, c'est pas très répandu. Il y a quelques célébrités, il y a un ancien maire communiste d'Alès. Il y a une journaliste du Monde. Ah oui? Il y a un philosophe très à droite, qui s'appelle Yves Roucoute, qui écrit dans divers journaux, et quand il écrit dans le Figaro, il a l'impression de se compromettre chez les gauchistes. Ok. Ah oui, ben oui. Je pense. C'était le représentant, ou c'est peut-être encore le représentant des ultra-conservateurs américains en France. Ah oui? Et si tu étais une ville? J'hésiterais beaucoup. Parce que j'ai habité dans plein de villes différentes et j'en aime beaucoup. Et la ville de mes rêves aurait un quartier qui serait comme Montréal, un quartier qui serait comme Québec, un quartier qui serait même comme Ottawa, un quartier qui serait comme Annecy en France, comme Marseille, comme Paris, comme Bruxelles, comme ce serait une ville aux multiples quartiers qui n'existent pas. Et quoi, c'est l'effervescence qui te plaît dans ces endroits-là? C'est l'humanisme? Non, je crois que toutes les villes où j'ai vécu, et il y en a eu quelques-unes, sont vivables, il faut juste trouver le mode d'emploi. Ouais. Tu vis pas à Paris comme tu vis à Montréal ou à Annecy dans les Alpes. Okay. Tu as une vie différente. Okay. Et il faut trouver le mode d'emploi. Ou Brest, en Bretagne. Ah oui, au Brest, oui. Tu vis pas comme à Paris. Ouais. C'est pas du tout possible. Ouais, c'est beaucoup plus relax à Brest. Hein. Paris n'est pas relax, mais il y a des façons de le vivre. Brest. Brest. C'est super, c'est toujours nuageux, Bah, quand tu vois les nuages, c'est qu'il pleut pas, donc c'est relativement rare. Ouais, c'est vrai, c'est positif, oui. Très belle chanson de Miossec, hein. Il est de Brest. Oui, ben oui, effectivement. Quand on voit un homme avec une canne, très souvent, c'est lui. Si tu étais une langue. Une langue qui se parle, je suppose, pas une langue de bœuf persillé. Dreyfus a dit une langue de cochon. Ah. Ben oui, mais c'est Dreyfus avec son amour pour les cochons. Ah, Jean-Claude Dreyfus est cochonophile. Oui. Je sais pas comment on dit, mais. Oui, c'est ça. Le cochonophile. Il y a une comédienne que j'ai rencontrée avant toi, tout à l'heure, qui m'a dit qu'il avait la queue d'un cochon. Mais j'ai dit, on n'est pas été. Non, on n'a pas vérifié. Même plus je ne connais que de loin. Alors, toi, c'est une langue. Je parle français, je parle anglais, espagnol ou polonais. Très bien l'anglais? Oui, je comprends bien. Okay. Avec un bon accent français, comme tout français qui se respecte. Mais oui, c'est ça. Mais assez pour survivre. Ok. Écris-tu souvent en anglais ou... Non, je ne crée pas de chansons en anglais, je ne vois pas l'intérêt de... Ok, ah voilà. Je vois pas l'intérêt d'écrire en anglais. Okay. Il y en a qui font ça, mais... Ouais. Je vois pas l'intérêt. Enfin, peut-être qu'un jour, faut pas dire Fontaine, hein, mais ça me viendra. Là, pour l'instant, je vois pas pourquoi. Alors, c'est des langues multiples. C'est français, ma langue, hein, quand même. Okay. Donc, pour l'instant, c'est le français. C'est ta langue maternelle, donc c'est très cher à toi. Hein. Mais les autres langues, t'en disent beaucoup sur le français, même. C'est très intéressant d'apprendre, connaître d'autres langues. Ah oui, mais c'est s'ouvrir vers le monde. Hein. Et c'est s'ouvrir à toi aussi. Enfin, c'est d'autres façons de penser. Ouais. Si tu étais une époque. C'était une époque. J'aimerais bien connaître les années 70 autrement qu'en étant enfant pour voir. Ok. Pour être avec les musiciens, être avec. Pour tout ce qui semblait s'ouvrir à l'époque et qui s'est refermé depuis. Ok. C'est-à-dire. Je pense que tu avais une sensation d'aller vers le mieux, d'aller vers. Okay. Vers plus d'ouverture, plus de liberté et que maintenant c'est. La procession des tournesols s'arrête en lisière de forêt. Matelas jetés sur le sol, des vêtements éparpillés. La tête grosse et le corps grêle, les pèlerins courbent le dos, mendiant des bribes de soleil, couchant qui les tombe de haut. Milliers d'ombres encageant la terre, zébrures d'encre sur nos peaux mi-sueur, mi-poussière, et nos fureurs montent à l'assaut. De loups qui se jettent l'un sur l'autre, combat de mangoustes et serpents, enrage d'aimer qui se chevauchent et qui se frottent au soir couchant. Nos corps s'empoissent de tendresse, nos souffles courts battent leur forge, mon impatience fouille ta glaise et mon ardeur trouve ta gorge. Qui de nous connaîtra la terre, qui s'y ancrera de son dos, qui s'offrira à la lumière, qui sera pousse et qui terreau. Moi, que ton désir m'entantige, et tu effleures cherchant soleil, enraciné sur ton vertige, et tes cheveux battent le ciel, et tes cheveux battent cadence, l'embalancier au rythme doux, tu es le chant, je suis silence, la forêt vibre derrière nous. Et les tournesols vers la terre penchent leurs têtes résignées, et toi tu dresses belle et fière la tienne au ciel illuminé. La procession des tournesols s'arrête en lisière de forêt, matelas jetés sur le sol, et le bonheur à nos portées. Tu es contre? Non. War and Hate, c'est quand même pas un programme. Hein. Il faudrait vraiment être imbécile pour être contre celle-là. Oui, après, est-ce que je sais pas sûr que je me baladerais avec des cheveux long gras et une chemise à fleurs. Non, mais c'est surtout un ensemble, puis celle-là, c'est aimer l'autre, c'est être humaniste, c'est ouvert vers l'autre, c'est s'ouvrir vers l'autre. Je pense que c'est surtout pour le sentiment d'appartenir à une société qui se construit, alors que maintenant, c'est peut-être parce que je suis en train de virer vieux con, mais j'ai le sentiment d'une société qui se déconstruit. Il y a l'Europe part en couille, j'ai l'impression que les choses se défont. Les gens, à l'époque, croyaient au lendemain, je pense. Bon, t'avais No Futur qui n'a pas tardé, mais justement, dans cette période avant le No Futur, avant le cynisme des années Reagan, Thatcher et Mitterrand, deuxième partie, t'avais semblé que les possibles étaient à portée de main. Et puis maintenant, on voit qu'ils nous ont échappé. On va revenir à la musique. Quel genre de musique t'écoutes? J'écoute beaucoup de chansons par des formations professionnelles. Ok. Et sinon, j'écoute des... Non, mais quelle sorte de chansons? Mais dis-moi. Ce que je peux. Maintenant. Ce que je peux. Et je... J'écoute beaucoup de radio musicale. Enfin, une radio musicale française s'appelle FIP. Oui, ouais. Qui a la particularité de te passer du classique. Qui est lié sur France non. Inter. Ah oui, mais c'est une filiale de France Inter. C'est Radio France. Qui est une filiale de Radio France qui comprend France Inter. Oui, c'est France. Ça. Et sinon, j'écoute beaucoup France Culture où pour le coup, il n'y a pas de musique. Ouais. Très peu. Mais c'est tellement intéressant. Les concepts. Ben, ça cause. Oui, ça cause, mais c'est des concepts aussi. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de travail là-dedans. Je trouve ça super intéressant. T'apprends des choses. C'est comme Arte pour la télé, quoi. Des fois, tu te fais chier, mais souvent, t'apprends des choses. Alors toi, t'es ouvert à toutes sortes de musique. J'essaye de l'être. Après, je dois dire que la variété internationale ne me passionne pas. Les Beyoncé, les trucs comme ça. Ça me rentre par une oreille, ça me sort par l'autre. Et je suis même incapable de reconnaître quand ça passe. Parce que je trouve que j'accroche pas, rien qu'accroche quoi. C'est tellement lisse, c'est tellement... consensuel. Ouais, mais il y a con dans consensuel aussi. C'est très peu sensuel pour le coup. C'est plus con que sensuel. Si tu étais un mot... Oui, c'est un petit village. Un seul mot? Qu'est-ce qu'on fait avec un mot? On peut commencer à écrire. On fait rien avec un mot. Ben oui, on peut commencer à écrire. Oui, mais il en faut d'autres. Oui, mais il y en faut un pour commencer. C'était un mot. Ce serait le mot mot. Ah, mot. M-O-T, M-A-U-X. Non, M-O-T. M-O-T. Parce que j'aime les mots, j'aime l'histoire avec des mots. Pas de S. Si j'ai droit à un mot, ce serait au singulier. Sinon, okay. J'ai droit à des mots. Et alors là, le mot ça pluriel peut t'amener vers autre chose aussi. Tu connais Johnny Hallyday? Oui, malheureusement. Le double album Hamlet? Le double album? Hamlet. Hamlet. Non. Alors, il faut que tu écoutes ça, c'est une merveille. À quelle année, ça? 1976, il me semble. Hamlet de Johnny Hallyday? Hamlet. Oui, Hamlet de Shakespeare. Oui, de Johnny Hallyday. Oui, il a fait un opéra rock consacré à Hamlet, et dedans, il y a une chanson qui s'appelle « Je lis », qui fait « Quand ?» La vie est jolie, jolie, jolie, quand il fait triste et il fait gris, jolie, quand je m'ennuie seul dans mon lit, jolie, etc. Bon, vous dites qu'il lit, et à la fin il dit, quand je lis, je lis, je lis quoi? Ah oui, c'est qui fait ça? Des mots. C'est pas mal. Et la chanson finit comme ça. Ben, c'est pas mal, j'aime ça. Ben oui, c'est intéressant. Oui. Il faut l'écouter ça. Mais c'est qui, parce que Johnny a rien écrit, mais c'est qui? Alors, ce double album, c'est Gilles Thibault. Gilles Thibault. Un Québécois? Non. Il y a beaucoup de Thibault au Québec. Oui, mais ils ne sont pas tous pris le bateau. Non, on ne s'appropriera pas toutes les valeurs de Johnny. Ah oui, mais c'est pas mal, mais Hamlet. Je diffuse ça à ta rencontre. Ouais. Okay. Avec joie. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais... Oui, mais parce que moi, je le vois dans la dérision, je vois ça dans le second degré, c'est ça que... C'est une sorte d'ovni. Oui. Puis l'album au complet est intéressant. L'album au complet te ferait 2 heures d'émission, que les gens t'écriraient pour te dire... Il n'y aura aucune de tes chansons d'être en compte avec Johnny Hamlet. D'accord. Okay. Vous êtes fantastique, Reynald Gagné, d'avoir passé Hamlet à l'idée sur CKRL. Si vous étiez un aliment, si t'étais un aliment. Là, je suis en train de manger des chips, ça doit s'entendre à l'antenne. Oui. Mais je choisirais pas les chips. Alors, je choisirais un plat. Un plat, lequel? Un gigot d'agneau de 7 heures, par exemple. Ah oui, ah, c'est bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce genre de choses. Si tu étais une saison. Une saison? Faut qu'on choisisse sur 4? Oui, mais comme Vivaldi, hein, il y en a sur. Banalement le printemps, parce que ça tout paraît possible. Mais vous savez, je ne suis pas allergique au rhume des foins, donc ça m'aide. Ok, ça c'est bon. Mais pas encore. Parce que tu peux te réveiller un matin. Ah ouais, mais pas pour ça. Si tu étais un membre corporel. Je sais pas quoi, mais quelque chose d'interne. Ok. Un membre interne. D'accord. C'est pas l'hypothalamus. Ok, oui. Ce genre de choses. C'est le premier, c'est la première personne qui me dit ça, donc c'est parfait. C'est vrai? Oui. Je me réserve l'hypothalamus alors. D'accord. Alors, si tu étais un moment de la journée. Tout le matin. Quelle heure? 5 heures? 6 heures. Est-ce que tu te couches tôt? En ce moment, malheureusement, je me couche tard, je me lève tôt, mais c'est pas un choix. À cause du travail? Bah, j'ai un peu la bourre sur plein de trucs. Puis je pars après-demain. Ah oui. Mais ouais, mais j'aime bien la petite lumière de ce moment-là. Ah oui. Le moment où ça se rallume. À choisir, est-ce que tu prends le même chemin? Pas exactement, non. Non. Pas exactement. Mais I will. Je pense que ça aurait pu être bien pire. Ok. Sans ça que tu peux optimiser ou t'as trop de hasard, t'as trop de. Mais. Je suis pas mécontent. Mais oui, non, beaucoup de choses auraient pu être faites en mieux. Hein. Ok. Ouais. J'aimerais revenir à ton concert que tu vas présenter dans deux jours. La salle est de combien de places? Avignon? Une cinquantaine. Une centaine de places? Cinquantaine. Cinquantaine de places? Et le public, lorsque tu l'as fait, il s'est apparu parce que tu l'as travaillé avant. Tu en as fait. Tu m'as dit tout à l'heure que vous l'aviez fait ici devant le public. Oui, mais je ne suis pas tout seul, on est quatre. Et oh, puis le ça. Spectacle commence à être un peu connu des gens qui suivent cette chanson. Après, on joue dans un endroit particulier, puisqu'on joue au théâtre de la Bourse du Travail de la CGT, qui est le syndicat français, syndicat assez revendicatif. Donc, qui est noté comme engagé, beaucoup. C'est un spectacle drôle, c'est plus facile à Avignon. Après, est-ce qu'on trouvera du monde dans la salle, j'espère. C'est toujours en Paris, hein. Ouais. Mais les trois autres, est-ce qu'ils font aussi de la musique ou si c'est des gens qui se sont greffés Deux musiciens et une comédienne. Ok. Par ailleurs, chanteuse. C'est quatre chanteurs. Es-tu content de ce que ça donne comme. Ah oui. C'est quoi le spectacle d'une heure? Une heure vingt. Okay. 1h20, 1h30. Ok. Oui, parce que moi, mon répertoire n'est pas franchement humoristique. Et là, de voir les gens qui rient quand tu dis un truc ou quand tu chantes, etc. De voir les gens, mais vraiment, qui se marrent, quoi. C'est très plaisant. Alors, t'as hâte de te présenter là dans deux jours On commence à jouer, le 6, okay. Donc dans une semaine. Non, mais là tu te prépares, là, tu vas te rendre sur place, tu vas vérifier la salle. Est-ce que tu amènes ta blonde? Est-ce que tu amènes ta femme? Non, elle travaille, elle reste à Paris. Ok. Mais donc tu as beaucoup d'attente de ce spectacle-là? On va jouer 21 fois, je crois. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Mais c'est quand même un luxe, hein? Oui. 21 fois, c'est un luxe. Oui. Puis avez-vous le coup après ça de le sortir en dehors d'Avignon, le faire à Strasbourg, à Marseille? Oui, il y a quelques dates après qui sont prévues, et puis après on espère qu'il y aura quelques programmateurs qui viendront nous voir à Avignon. C'est aussi pour ça qu'on va dans ce genre de festival se crever le sang à jouer, c'est aussi pour rendre le spectacle. Mais toi éventuellement, est-ce que ça te donne le goût de travailler dans ce sens-là, de faire des genres de parodies, de. Ou si tu mets ça à part, là, ça c'est ce que tu vas faire là-bas, puis après ça, ben toi, le travail que tu proposes, c'est autre chose. Oui, moi le travail que je fais, c'est autre chose. Mais, moi, mais tu veux pas essayer d'autres avenues comme tu es en train de faire. Plein de gens font ça très bien et mieux que moi. Et Et je connais personne qui fasse ce que je fais mieux que moi, donc autant que je fasse ce que je fais. Oui, ben oui, ben oui, oui. Et donc, les chansons que tu as, que tu proposes depuis que tu fais de la musique, à peu près 15 ans, ça se compte en combien de pièces musicales? Une cinquantaine, une soixantaine? Que j'ai écrites ou que j'ai sorties? Sorties, qu'on peut écouter. Sorties officiellement sur des disques, c'est facile, il y en a 5 plus 5, 10. Plus 12, 22, plus 5, 27, plus 8, 35, sachant qu'il y a quelques doublons, donc ça doit faire 32. Okay. Mais j'en ai écrit plusieurs centaines. Hein. Je ne sortirai pas toutes, mais j'aimerais bien en sortir peut-être 80 ou 100 quand même. Mais quand tu vas faire une chanson, c'est juste une ou si tu en fais plusieurs? Parce que là, tu as l'équipe. Profites-tu de l'équipe pour faire tes autres... Oui, on a fait des économies d'échelle pour oui. La batterie, par exemple, les basses. Mais... On a un batteur, on va en profiter, hein, on va faire tout... Voilà. Est-ce que tu te vois plus tard? As-tu une vision de toi dans quelques années? Ou si tu n'as aucune attente et tu sais pas? Le même avec un peu plus de barbe, à part ça, je vois pas. Oui, ok. Alors, t'as pas vraiment de... D'une manière artistiquement parlant, t'as aucune vision là, de ce que tu sois dans... Non, un peu où le hasard me mène. Okay. Le hasard ou la providence. As-tu ou toujours été comme ça? Comme tu veux. Un peu bon à malin. Il n'était ni très beau, ni laid, les traits, ni fin, ni régulier. Il avait l'air si nostalgique, et moi qui suis si romantique. Il m'a raconté son histoire, sa longue liste de déboires. Il ne m'en a que peu coûté. Il suffisait de l'écouter. C'était une nuit de décembre. Si je l'ai guidé vers ma chambre, c'est que je voulais consoler ce petit bout d'âme esselé. Son corps était doux et sensible, son cœur d'une tristesse indicible. De moi je lui ai tout donné. Pauvre bout d'homme abandonné. Il m'a couvert de baisers, comme autant de fleurs déposées sur une tombe qu'on décore, un temple perdu qu'on honore. Il m'a couvert de mots tendres qu'il n'était pas à moi d'entendre, mais à celle qu'il avait quittée, le laissant seul et désœuvré. Il m'a aimé avec douceur, avec constance, avec ferveur. Je le serrais si près de moi, bien enveloppé dans mes bras. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il soupirait un nom de femme à travers mon corps résigné. C'était une autre qu'il aimait. Il avait tout du chien fidèle, pleurant sa maîtresse éternelle. Il avait l'air perdu, en somme, pauvre bipède que nous sommes. Il s'est endormi près de moi, sa joue se lissait sous mes doigts. Il a dormi d'un air content, redevenu gosse innocent. Quand il s'est levé tôt matin et s'est habillé l'œil chagrin, c'est à peine s'il m'a salué en s'enfuyant dans l'escalier. Je ne sais de lui rien de plus, mais si ce jour-là il a plu, encore les gouttes résonnent sur mon cœur, que plus rien n'étonne. Il n'était ni très beau, ni laid, les traits ni fins, ni réguliers. Il n'était qu'amour et souffrance. Je le regrette quand j'y pense. Je le regrette quand j'y pense. D'organiser les choses à court terme, mais de naviguer, mais c'est une navigation à vue. Hein. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de boussole. Hein. mais en même temps, économiquement parlant, c'est pas facile. Ah non. Alors non. Comment tu fais pour gérer tout ça? Je gagne ma vie à côté. Alors tu tiens plutôt sur cet emploi-là pour faire ton côté artistique? Oui, j'ai pas le choix là. Et bien sûr, comme beaucoup de personnes qui ont un deuxième boulot, un premier boulot qui aide à faire le travail artistique, tu voudrais en vivre à un moment donné, tu voudrais t'implanter. Ouais, oui, mais c'est complexe en ce moment. As-tu de l'ambition? Oui. Oui. Et j'ai pas l'ambition, ça se mesure pas en bague et en cara ou avoir une maison avec une piscine en forme de guitare ou des trucs comme ça. L'ambition, c'est de l'ambition d'être libre. Ok. Dans le propos, libre dans l'écriture, libre dans tout. Oui. Oui. Et tu te sens actuellement libre de faire ce que tu veux. Comment il dit Desjardins dans sa chanson Tu parles de qui, Richard Desjardins? Ouais, Richard Desjardins, la personne qui m'encule, j'ai gardé mes bons nerfs, combien ça vaut ça calcule, je suis déjà millionnaire. Ah oui. Alors toi, c'est le type qui ferait à ta manière le chemin artistique. Je crois que si tu fais de l'art, c'est la seule façon de faire, enfin moi j'en connais pas d'autres, ou alors tu fais de l'industrie. Tu montes un business qui peut être un business à base de chansons, si tu veux. Tu peux monter un business ou rentrer dans des business qui existent. Les The Voice, la voix vous dit, ou je sais pas quoi. Oui, on a francisé. mais c'est pas... Moi, c'est du business. C'est du show business, mais c'est du business. Alors toi, tu te tiens loin, Gilles, du show business. Il me tient loin de lui aussi, hein, mais je n'essaye pas spécialement de réduire la distance. Moi, j'ai 46 ans, je vais pas faire jeune premier sur une comédie musicale. Mais t'as-tu des projets? Tu parlais de comédie musicale, d'écrire des comédies musicales, de faire quelque chose de... J'ai des projets d'écriture, enfin j'ai envie d'écrire. C'est une chance en fait, je savoure la chance le jour où ça sortira plus. Ou... Ok, ouais. C'est ouais. C'est exaltant d'écrire une chanson. Oh, oui. Ouais, personne ne veut arriver au fait. Retrouver devant la page blanche et pouvoir être capable d'écrire un monde. Mais si je me mettrais pas devant la page blanche pour me torturer quoi. C'est juste tant que ça je le fais parce que ça m'amuse. Sinon il y a plein d'autres choses à faire. Ah, c'est ça, toi c'est le côté ludique aussi qui t'amène à faire ça. S'il n'y a plus de publicité, il n'y a plus d'intérêt. C'est créé. Moi je façonne des mots et des notes et. Il y en a d'autres qui façonnent de la terre glaise, il y en a d'autres qui façonnent des pigments sur la cellulose. Enfin. Mais comme tu disais tout à l'heure, selon toi, tu n'écris pas assez. C'est heureusement grâce aux ateliers que tu te mets à... Ça me donne un prétexte. Ça me donne une raison de le faire. Mais pourquoi tu n'écris pas beaucoup? C'est parce que tu aimes. Parce que je fais plein d'autres choses. Ok, ouais, t'es partout. Tu peux pas être partout non plus aussi. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Ça va de la vaisselle jusqu'à ton boulot qui te nourrit, jusqu'à peaufiner ton site internet, parce que ça serait vachement bien de mieux mettre tes vidéos en évidence. De chercher des dates, de contacter quelqu'un que tu admires parce que tu as envie d'écrire une chanson, des choses à faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer des textes à quelqu'un que tu admires? Comme ça, non. C'est quoi parce que t'es... Juste à quelqu'un que je connais qui m'a dit « Tiens, tu devrais m'envoyer des trucs, sinon je fais pas. » Ok. Sinon, t'es trop timide ou tu veux pas aussi que... Ouais. Et puis, de ce que je sais du business, pour le coup, y a beaucoup... j'ai l'impression que ce serait du temps perdu. Ok. Voilà. J'ai l'impression que ce serait du temps perdu. Okay. Parce que tu crois pas que ça pourrait se rendre à... Il faut, si tu écoutes ce que je fais, si tu écoutes ce qui se produit, c'est pas gagné. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Après, je pourrais essayer deux, mais j'ai pas envie. Okay. Voilà, j'ai pas envie. J'ai alors, pas envie de... Quand tu prends le crayon, c'est pour écrire pour toi. Oui. Pour moi, ou pour... je sais pas pourquoi. Pour le plaisir de le faire. Juste pour le plaisir de le faire. Ben, Gilles, je te souhaite du plaisir à volonté. Je te souhaite des projets. Je te souhaite des disques à venir et surtout des tournées, même qui pourraient t'amener au Festival d'été à Québec. Festival qui a lieu actuellement à Québec. Ben, j'ai bien joué au Festival d'été à Québec. Festival de Tadoussac, au Francophonie de Montréal. Oui, mais Tadoussac, c'était déjà il y a deux semaines, c'est tellement bien. Au Rosec, ou à n'importe quoi, moi, je suis preneur. Est-ce que tu frappes aux portes? Est-ce que tu proposes tes chansons en tournée dans les festivals? J'ai fait des festivals, j'ai joué à Barjac, j'ai joué dans des choses comme ça, en plus. J'ai fait des concerts au Québec aussi, il y a quelques années. Après, en ce moment, j'arrive pas à démarcher. Okay. J'arrive pas à... Je trouve pas le temps. Bon, entre ces derniers mois, je me suis avalé un spectacle quand même. Ah oui. D'une heure vingt, avec deux nouveaux instruments. Voilà. La basse, je joue aussi de l'harmonica. Okay. C'est quand même pas rien. Et beaucoup de textes à apprendre. Donc, non. Est-ce que tu vas proposer à Avignon? Est-ce que tu te sens plus? Ah oui, je sais qu'il marche bien, oui. OK. Ah oui, je sais qu'il marche bien. Alors, t'as hâte, là, c'est le plaisir de... Après, il y a plein de mon spectacle qui ne trouvent pas leur public, mais moi, je sais que le spectacle, il vaut le coup, qu'on va s'amuser sur scène, que les gens vont bidonner et que... voilà. Et tu souhaites que le public soit là, présent? Évidemment. Est-ce qu'il va y avoir des publicités? Alors, on a, tu sais, à Avignon, tu as des parades. Tu vas voir les gens, tu leur distribues des flyers, tu chantes, etc. Ouais. Et nous, on a un concept de flyer un peu particulier. C'est mon idée en plus. Okay. On va distribuer des sacs à vomi. OK. C'est comme dans les avions, là. Oui. Aux armes de virage à droite. D'accord, oui. Pour que les gens puissent... vomir dedans. Exprimer tout ce que leur évoquent les multiples spectacles de gauchistes qu'ils iront voir. Avant d'aller... Alors, c'est le surplus de... Se faire rééduquer à notre spectacle. OK. Qui exalte les saines valeurs de droite. Et tu crois que les gens vont bien rire, parce que s'ils vont voir, c'est parce qu'ils comprennent la blague, ils comprennent le propos, ils comprennent le discours. Donc pour eux, c'est un complément, c'est comme un bonus d'avoir le sac et de... Oui, puis c'est pour les interpeller. Oh oui, c'est ça, pour la provocation, toujours la provocation. Pour qu'ils disent, regarde ce que j'ai reçu. Oui, c'est ça, j'ai le sac. Enfin voilà, un flyer, t'en reçois 10 000 quand t'es à Avignon. Là, ces trucs, en plus, ça peut être utile, ils peuvent mettre des trucs dedans. Donc ils peuvent mettre les autres flyers dedans. Mais ça peut être utile, pour pas s'éparpiller. Ouais, et puis en plus, si on l'a fait joli, je pense qu'il est pas mal. Okay, il est drôle. C'est... Ok, c'est vrai, c'est fait. Oui, oui. Ah oh, oui, ok. Alors là, vous allez aller durant la parade et distribuer des sacs à vomir, oui. Alors, on va aller aux sorties des spectacles de nos collègues qui font des spectacles revendiqués de gauche. Okay. Okay. Et on ira dire... pourquoi tu crois apprécier? Soyez comme Macron, ni de gauche, ni de gauche. Ouais. Et venez à virage à droite. Mais est-ce que tu crois que les gens qui vont faire le spectacle et que toi tu attends avec ton sac de vomi, est-ce qu'ils vont apprécier? Oui, on aura les copains. Ok, c'est un truc spécial. Oui. Et donc, je te souhaite une tournée un peu partout, puis pourquoi pas au Québec avec ce spectacle-là? Si ça coûte pas trop cher. Il faut 4 billets d'avion déjà. Croyez-vous faire ça en vidéo? Est-ce qu'on va avoir la... Il y a déjà trois petits trucs, mais c'est pas moi, c'est mon prédécesseur, Manu Gallure. OK. Et il n'y aura pas de DVD suite à ça? Je pense pas, mais ça serait une bonne idée. Oui, parce que si on peut pas... Mais je répète un peu ma basse, que je tu vois. Oui, c'est l'harmonica. Mais l'harmonica, c'est-tu pour le spectacle aussi ou c'est pour un autre projet? Non, c'est pour le spectacle. OK. Une chanson que je... délibérément folk. Je chante à la mode folk. Mais tu aurais pas voulu faire une première partie, toi, avec tes chansons, puis après ça, amener le groupe? Il n'y a pas de raison que je fasse moi. On est quatre chanteurs, avec nos quatre répertoires, il n'y a pas de raison que je fasse moi une première partie. Ben, parce qu'au moins, ça pourrait prolonger le spectacle. Puis c'est pas la même ambiance. Ok, pas du tout la même. Ah non, ok, je comprends. Et puis moi, il faut que je change, je m'habille, j'ai un costume. Comme tu me vois, là, j'ai rasé cette barbe et je vais me faire une vraie barbe de redneck, tu vois. Tu prépares ça, là. Comment on dit redneck en québécois? Redneck. Oui. Alors là, t'as 48 heures pour tout te transformer? Ouais. Non. J'ai une semaine. J'ai juste me raser un peu le bouc. Okay. Je vais faire une bonne gueule de redneck. Et oui, ça va. Donc, c'est une histoire à suivre. Et sur Internet, j'ai juste à vérifier où t'es rendu et puis comment ça fonctionne. Oui, regarde Virage à droite, regarde mon site oui. Facebook, ou YouTube, ou ce que tu veux. Ben, je suis très content de t'avoir rencontré parce que, comme je te dis, je te diffuse régulièrement. Regarde ça. Et je t'ai rencontré grâce à ta femme. Et je croyais pas qu'elle était ta femme à l'époque, mais elle était ta femme depuis 2 semaines. Peut-être que si t'avais su c'était ma femme, tu l'aurais pas invitée. Hein, Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je sais pas, parce qu'elle dessine des femmes à poil, alors moi je pense que ben, ça te parle. C'est pas maintenant, mais c'est pas l'intérêt. Ah oui, oui mais... Ça, je t'offre solennellement le livre de Liu Aguan, rempli de femmes à poil. Ah merci, ah, c'est mieux que le Playboy. De sa part. Ah merci, c'est mieux que le Playboy. Et... Ça s'appelle super. Sweet Artists. Ah super, super, merci. Et ça tu l'as déjà alors? Ben, en fait j'ai les 2 premiers, oui. Non, mais ça, j'ai pas ça, non. C'est plus ancien. Ah, ça, je l'ai pas, ok. Et je te donne ce est-ce que track. Est-ce que tu peux diffuser? Bah, évidemment. Ok. Et ce track pour aller écouter les choses en ligne. Ah, oui, ok. Les plus récentes. Et je dirais, c'est toi, ça, c'est méconnaissable. Oui, c'est moi, ça. Méconnaissable. On dirait, j'ai apporté les bonbons à Jean-Brel. Mais ça me laisse des fleurs. Alors, je dirais le site internet lors de la Roucote.com. Ben voilà, c'est pas compliqué. Et le nouveau Roucote.com. Ok, alors parfait. Puis écoute, on va te suivre, puis on te souhaite le meilleur. Ah ben toi aussi, bon séjour en France. Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis comme je te dis, ça fait 2 ans que je voulais te rencontrer. L'année dernière, tu pouvais pas parce que tu étais plein par ton boulot. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que tu m'as écrit sur Facebook. Oui. Mais comme on n'est pas amis, entre guillemets. Ok, ah, ça a passé tout droit. Mais c'est passé tout droit. Je t'ai découvert ton mail 9 mois après. Oui, c'est ça. Là, je suis sur le courant. J'ai dit, merde, excuse-moi. Et en plus, j'avais accompagné ma femme, Yagoui. Oui, oui, mais tu m'avais filé aussi ton album. Mais et j'ai découvert après que tu m'avais écrit. Je t'ai dit, je vais t'inviter l'année prochaine. Oui, mais en fait, tu m'avais déjà invité. Et tu m'as pas répondu. Je dis, peut-être que. Ouais, mais je comprends pas. Non, mais en fait. Et puis l'année dernière, on était au Québec. Donc, ah oui, pas être là. À la même période. Juillet, août. C'est moi qui paye. Okay. Ah, pourquoi ouais? Tu payes hein? Ouais, parce que ça me fait plaisir, voyons donc. Tu es mon invité, tu m'as offert ça, moi je te paye la bière. Ah bon? Ben oui. J'aurais dû prendre du champagne. Non, mais je l'ai fait à ta copine aussi il y a 2 ans. Quoi? Tu payes des coups à ma copine? Ben tu oui, dis... ben voyons. Tu me dis ça maintenant. Tu rendu ta femme, donc ben, fais attention. C'est ma femme. Ben oui, mais moi, copine, ça, il faut dire femme. Hein? Mon épouse, ah, ton épouse. Parce que oui. Ma femme, ça fait mon homme, quoi, tu vois. Ah oui, ah ok, excuse-moi. La dualité du mot ma femme. Sa vie, son enfance, à chaque fois d'un cœur nouveau, les fées lui versent en abondance de l'innocence, plein le berceau. Chaque pas qu'il fait, les merveilles, ça croit au rythme des saisons, ça croit surtout au Père Noël, aux arcs-en-ciel plein l'horizon. Un amour aussi se transforme, un peu moins pur qu'au jour naissant. Ça prend du galon et des formes, c'est de l'amour adolescent. Ça ose enfin dire je t'aime, ça a des désirs un peu fous. Pas mal attiré par l'extrême, ça expérimente beaucoup. Un amour, ça devient adulte, ça accroît-il son âge fort, ça se fatigue des tumultes, ça confond bonheur et confort. Un amour, un beau jour ça pond, il faut bien justifier le nid, mais que deviennent les cocons une fois les papillons partis. Un amour, ça entre en vieillesse, aux lèvres un goût d'éternité. Un amour qui vieillit, ça laisse enfin l'important de côté. Un amour, ça meurt en silence, ou ça agonise en hurlant. Ça crie au monde sa souffrance, et ça se croit intéressant. Ça garde au cœur la rage folle, ventre mâché d'indignation. Ça met le feu à ses idoles pour mieux s'incendier la raison. Un amour enfin se résigne à n'être que pour un temps d'été. Chant du départ ou chant du cygne, signe le permis d'inhumer. Et le permis d'aimer encore, le permis d'aimer